c'est un corps en dehors, un corps qui ne vaut rien. Le rêveur a un corps qui le trahit de loin. Quand le rêveur s'endort, ce n'est pas pour son bien, c'est pour mieux rêver d'or, blotti dans son écrin. Quand le rêveur s'endort, il en oublie la fin. Tous les rêveurs ont la peur qui les retient, comme une main sur le cœur, un fil, un lien. Se dilate, c'est qu'il ne croit plus en rien. Il expire et aspire cet air qui lui fait du bien. Alors le rêveur se sent d'attaque pour repousser les chiens. Tous les rêveurs ont la peur qui les rejoint, pour un jour, pour une heure, un lendemain. Le rêveur a un corps, mais ce n'est pas le sien. C'est un corps en dehors, un corps qui ne vaut rien. Le rêveur a un corps qui le trahit de loin. Tous les rêveurs ont la peur qui les retient, comme un frère, une sœur, un assassin. Ont la peur qui les retient, comme un frère, une sœur, un assassin.